Après m'être arrêté au stop, je devrais céder le passage à gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. À droite. Oui, réponse C. Non, réponse D.